Ouais, ça fait longtemps. Ah, je peux pas s'en tirer. Ah, je peux pas s'en tirer. C'est du ouais, c'est... Ça, en fait, c'est Simon-Pierre Bilodeau qui a jadis sélectionné des... Nous, on commençait à faire 70% ensemble, puis il a trouvé comme toutes sortes d'indicatifs, là, puis il y en a toutes sortes d'autres. Le bruit du chaman, ça vient de cette bande de bruit ouais. Là qui nous a trouvé jadis. On est-tu en nom de Dieu? Oui, en nom. Ah, bon, ben, parfait, on est à 70%, vous voyez, hein, on parle tellement d'affaires casual et relax quand vous êtes pas là. Gros show ce soir, je suis flanqué de Bruno à ma droite. Bruno, ça va? Oui, ça va. C'est bon, ça, j'aime ça. On parle de commando à soir. Je te sens fébrile, je te sens Matrix. Oui, oui, oui, j'ai mis mon chandail pis tout. C'est parfait, ça, c'est thématique. Et puis, Andy qui est à ma gauche, quoi de neuf? Pas de chat. Pas de chat. Oh! Enfin. Oh non! Ah, les hosties. Ouais, ouais, merci. Ouais, mais tu vas nous parler d'autre chose. Ouais. Le band? Une autre source à chat quand même. On parle du Noël. Je vous parle de deux choses qui fait que juillet est vraiment le mois le plus fantastique au monde. Le Noël du campeur, puis la satanée fête du Canada. La satanée, tu veux dire la sapristi. Ah oui, la joyeuse. Puis le jour de l'indépendance, lui? Plus tard. Hey, ici, au musée, on a une boîte de suggestions qui traîne depuis un temps. Puis je me suis dit, on va l'ouvrir en avant de tout le monde, on va voir c'est quoi. Si ça devient long puis plate, ben, on s'en allait écouter un clip qui a rapport avec le Canada pour fêter le... Fait qu'éventuellement, on va aller regarder un clip qui parle du Canada. Éventuellement. Ouais, faites faire un band canadien. Si j'ai comme une affaire avec un cheval. Ouais, ça a l'air d'être Richard Glenn avec un cheval. Ouais, c'est alors, Richard c'est, Glenn avec un cheval. Richard Glenn. Okay. Ouais. On a la suggestion de faire davantage de crêpes. On va checker ça. C'est bon. Attache ta tuque. Voilà, c'est très sérieux. Look for it. Really. Ah, ben oui. Ben ouais, oui. Voilà. Plus de chats. Plus de chats. Et puis, en dessous, on a deux dessins de pénis. C'est pas moi qui l'ai écrit. Faire des fellations aux invités, oui, bien sûr. Ça a été longtemps discuté tout le temps. Ouais. Merci de votre apport, tout le monde. S'il vous plaît, plus de sexe, oui, bien sûr. Ah, okay. Plus de ninjas, moins de chats, ah, ça on va travailler là-dessus. Bon. Moins de fautes d'orthographe au fil de stylo plus long. Ah. Ok, c'est parce que sur la boîte, il y a un fil pour le stylo, mais c'est que les gens savent pas que des fois le fil il reste pris en arrière, mais on peut comme juste le ressortir, tu sais, tu tires dessus puis il redevient plus long. Donc vous le saurez pour la prochaine fois que vous ferez une suggestion. Voilà, déjà une suggestion qui est réglée. Ouais. Une statue de Bernatchez en acier à l'entrée, je reconnais l'écriture de Bernatchez, taquin. Là il y a des yeux de Noël, bien entendu. C'est des boules de Noël. Non, c'est des yeux de Noël. C'est des boules de Noël. Non, c'est des yeux de Noël. Les yeux de Noël. Ouais, les yeux de Noël. On a une carte de Denis Savard. Donc, plus de Denis Savard, on imagine. Ça, c'est ici, la publicité. Ah ouais, ça, c'est un texte que j'ai écrit sur la publicité jadis. Un dessin de pénis. Un dessin de pénis, mais avec une tête, celui-là. Oh, donc, on fait de l'anthropomorphie. Oui, effectivement, avec une tête de chat humain, genre. Voilà. Ici, on a... No fat chicks, je suis pas responsable des fat chicks. Non, moi j'accepte même les fat chicks en fait. Tout le monde est bienvenu. Ouais. Ça, je sais pas c'est quoi ça. Plus de Ted Hamilton. Ah. Mémé cannibale, on l'a trouvé mais pas encore en français à qualité suffisante. Je suis un enfant de cœur et voilà, c'est plus un statement qu'une demande spéciale. Mais bon, c'est correct. Un doodle de pénis, mon pénis. On a presque fini. C'est la dernière fois que je fais ça en public. Un doodle de pénis. Et un, deux, trois, le pénis de Tommy. Et 26 cents. Ouais! Quand même que c'est moi qui mets dans mes poches parce que c'est moi qui s'occupe de déposer exactement. L'argent de Bitcoin. Donc on aura fait 26 cents là-dessus. On commence 70% unique. Regarde bien la facture de ce clip de Tragic Leap. Ça me fait plaisir de faire jouer ça ici parce que je peux. À d'autres places, je pouvais pas. Je me faisais chicaner. C'est thématique Canada. C'est un band canadien de Kingston. Play. Play. chemistry set. And I'm not the saddest cheerleader to forget the American word for the gang in the head. Dwindles to no members when the mystery's met. The sky looks threatened, heading home in the dust, singing life is forgetting. Good enough for the frivolous. Shoulder this little silver boulder, this slowly falling star. Rolling so what? Never getting older where the moonshot curtains part. The start of enough, a teardrop in a vaccination scar. I'll tell you if I'm involved. Just reddening, heading home under dusk. Is life just forgetting? Another word for frivolous. Little silver boulder, silence from Mars. For the heart of a nut, for a teardrop and a vaccination scar. Tranquillement, la bière, vous avez vu la nouvelle, hein? Vous l'avez remarqué, c'était la campagne, là, dans la campagne, tu sais, ça, là, ouais, là, il y en a de plus en plus. Il y en a des gens qui découvrent le plaisir de la campagne. Il y en a. Ils savaient comment nous prendre. C'était bon, en esti. Andy, tu nous amènes à quoi, là? Ben, c'est assez simple. Je vous amène à un des deux plaisirs de juillet, comme je vous ai parlé précédemment. Alors, comme vous savez bien, on est rendu le 2 juillet. Hier, on a initié l'Avent. L'Avent de Noël du campeur. Donc, à tous les jours, jusqu'au 25, jusqu'à la fête féerique du Noël du campeur, on va vous donner un avant à tous les jours sur Facebook, sur nos différents... ouais, un cadeau. C'est pas une des moins bonnes idées. Vous cliquez sur le lien, vous cliquez sur le lien, vous avez un cadeau. Ça peut être n'importe quoi. Donc, hier, le cadeau. Vraiment un très beau cadeau, moi j'ai vraiment adoré. Puis d'ailleurs, on l'a pour vous, si vous n'étiez pas sur Facebook hier, ça se pourrait très bien. Occupé à fêter la fête du Canada, comme, ben, voilà, manière, comme nous autres. Et voilà, ben oui, voilà. Notre Canada. Et voilà. Je vais juste vous lire le texte vite du début. Puis ça a été écrit par Tommy, le gars à gauche, à droite. Tommy Godette, là? Lui-même. Ah ok, il est cool lui. C'est le début de la vente du Noël du campeur. Peu importe la température, le Noël du campeur est là pour vous réchauffer le cœur et rapprocher les gens de son amour fraternel. Écoutez comment Rock Voisine fait rimer amour et toujours d'une manière tout à fait fraîche et nouvelle en le seul hymne existant du Noël du campeur, et c'est vérifié et attesté, à moins qu'on en crée un. Notre Noël du campeur, notre Noël du campeur. Voici donc votre premier cadeau de l'Avent. Alors, on va débuter ça. Là. Vous allez voir, c'est des images du 107,5 qui fête le Noël du campeur comme notre Noël du campeur. Comme le Noël du campeur. Fête le Noël du campeur comme nul autre. Ça va être bien dit. Sainte Madeleine, au Pas-Cadie, du Mont-Tremblant, ma ville pigelée, il y a une tradition qui se poursuit. La mort ici jusqu'à percer, c'est un soir que ça va se passer, on est en train de l'organiser. Ma tante Rachel a passé la journée à cuisiner, moi donc les demandes en construction est en congé. Puis tout le camping est décoré. C'est Noël, c'est Noël, on est du bain au bout du quai. Quand il fait 25 à l'ombre, 25 juillet, c'est Noël, c'est Noël, il vient qu'une fois par année. Nous avons une date de l'année. C'est les petits déguisés en lutin sont allés planter des cerveilles au pied de la croix blanche du vieux chemin. Dans la grande rouleur d'à côté, les voisins sont mis à chanter, on n'est pas prêts d'aller se coucher. À son tour, le ventre à l'air, sous le soleil, le Père Noël, en vacances, au Roldan, nous visiter. On le verra deux fois par année. C'est Noël, on est humé au bout du quai. Quand il fait 25 à l'ombre, 25 juillet. C'est Noël, ça arrive bien qu'une fois par année. Comme on les autres, comme ça prend contre l'hiver. Faire bronzer, puis de poire sa plaie. Pour penser aux tempêtes de neige, puis de le faire un pied de nez, sans rien dans les pieds. Ouais. Si ça, c'était pas magique. Mais en tout cas, on est allé loin, on est allé haut. Andy, est-ce que moi, c'est ça, dans le fond, t'as fini ton affaire? Ben, plus ou moins, il me reste juste une affaire, dans le fond, okay, à dire. Parce qu'il y a un but à tout ça, c'est qu'on va officiellement, vraiment, fêter le Noël du campeur. Ça se passe le 27 juillet, pas le 25. Malheureusement, ça va être le 27, parce que le 25, on va tous être au travail, pour ceux qui travaillent. Donc, 27 juillet, la salle Flamenco, ça, c'est au 24 avenue du Mont-Royal Ouest. 27, appartement 207. C'est au coin Saint-Laurent-Mont-Royal, pas trop compliqué. Veux-tu répète l'adresse parce que j'ai dit 27 à Londres en même temps que tu disais l'adresse. J'ai dit 24. C'est 24 avenue du Mont-Royal, c'est au coin Saint-Laurent-Mont-Royal, pas très compliqué, appartement 207 ou logement. Il va y avoir des pancartes qui vont dire partez par là. Que oui, comme d'habitude. Et parce que c'est Noël du campeur, parce qu'on est riche, c'est gratuit. Bam! On revient en force, hein, les événements au profit de douteux.org qui réexplose le 27 juillet. Événements au profit gratuit! C'est pas pire, hein, ouais. Une chance qu'on est bien entouré. Et puis, ben, sinon, tu vas nous poursuivre l'avant pendant encore toutes ces journées. À tous les jours, je trouve ça. Ça en vient une autre surprise. Tantôt, oui. Et voilà. Ça, t'es diffus sur le site de douteux.org, sur le Facebook, en fait. Sur le Facebook, sur Twitter, si on est capable. Mais c'est voilà. Particulièrement dans tous les groupes de Facebook participer. Sinon, on va tous partager ça, nous, parce qu'on aime Noël. On adore le Noël en été. Ben oui, parce que un mois de Noël, en fait, ça commence souvent avant l'Halloween. Dans ce temps, des fois. Ouais. En tout cas, même générique à Bruno Dieu, hein. Sur douteux.tv, les manchères internationales avec Bruno Corbin. Non, c'est correct. Mets-moi-le dans un Tupperware. Ok, cool. Mais. Ouais, ok, tu l'as fait. Mais ça se réchauffe bien, la lasagne, quand même, il me semble. Ah! Grosse nouvelle! La lasagne, ça se réchauffe bien. Vas-y, Bruno, amène-nous dans l'univers. Alors, d'accord. Une équipe de ramassage de déchets toxiques a été appelée après qu'une femme non identifiée qui attendait la police après avoir été prise à faire du vol à l'étalage dans le Walmart de Saint-Louis se soit installée pour fabriquer de la méthamphétamine dans un laboratoire portatif qu'elle avait traîné avec elle. Ça porte même un nom, ces laboratoires portatifs-là. Ça s'appelle un « shake and bake ». Fun, hein? La police a pris la femme en train de fabriquer de la drogue et a aussitôt ordonné l'évacuation car tout le monde qui a déjà regardé Breaking Bad sait que ça fait des fumes, ça peut être toxique. Ben oui. Mais mettons que tu fais pas ça juste à côté de l'allée dans laquelle t'ajoutes les produits qui sont destinés à faire ça. Ouais. Puis si t'en ajoutes en grande quantité, t'essaies d'avoir l'air subtil aussi quand t'es ajoutes. Effectivement. Parce que sûrement qu'il y a moyen de ficher ceux qui ajoutent beaucoup d'ingrédients à mettre en fait à mettre. Sacrément! J'imagine! Hey, c'est vraiment une championne. Oui. Vas-y, mon gars, un autre. La ville de Middleborough, Massachusetts, a enfin eu les couilles de rendre le sacrage passible d'une amende. Lundi dernier, 183 résidents en beau tabarnak de la ville de 22 000 habitants ont voté pour la proposition de donner une amende de 20$ à quiconque sera pris à sacrer en public. Et 50 ont voté contre. Là. On a une ville de 22 000 habitants, il y en a 184 qui ont voté pour, 50 qui ont voté contre. On voit que c'était un sujet chaud. Ouais. À noter que la ville de Middleborough est à 61 km de Boston où le sacrage est une tradition patriote. Ouais, j'avoue. C'est ça. Ça va se vider d'Irlande. Oh, let's go, une troisième, d'accord. Joseph Eugene Perry Jr., 47 ans, a été accusé de voies de fait avec strangulation après avoir attaqué sa sœur suite à une dispute de cuisine. L'homme de Muncie, Indiana, était insatisfait de la méthode de préparation de sa sœur pour les pancakes. Elle avait mis trop de sirop. Ah, Il est. Bon. Ça a rapport avec plus de crêpes de tantôt. Oui, exactement. Déjà, les suggestions qui affluent. Voilà, plus de crêpes. Et j'ai écouté. Voilà. Le public en délire, tu as été entendu. L'homme est derrière les barreaux, sa caution s'élève à 7 500$. J'imagine qu'il ne devait pas être bien, bien riche, là, s'il mangeait des crêpes. Ouais. Ben, c'est le genre de nouvelle que, sur le coup, ça a l'air d'être rien, mais tu y repenses un peu, là, puis. là, ça l'a monté au point qu'il fallait qu'il prenne sa sœur pour j'appelle régler ça, le problème de pancake. Il y a toujours une espèce de dossier un peu dans les nouvelles qui est bonne raison de tuer quelqu'un. Là. Ouais. Des pancakes. Ouais, ça rentre là-dedans. Ça arrive souvent des bonnes raisons de tuer quelqu'un comme ça. De tenter de tuer quelqu'un. Hey, ça va nous amener à notre première discussion. On va en parler beaucoup ce soir de Commando parce que c'est un film qu'on a beaucoup drillé. Un petit peu à la manière d'une dame qu'on aime à fond, ben, tu sais, ça nous tente de leur briller souvent et longtemps. Commando, c'est un film de 1985. C'est de Mark Lester. C'est un film qui nous provient d'Islande. Pas vrai. Ça vient des États-Unis, des Américains. Avant de se plonger dans le concept du film, je vais vous faire un petit peu de sémantique pour expliquer un peu d'où... c'est quoi ça? Ah oui. Non, c'est ça. Ben oui. La porn. Le point. Oh, oui, c'est ça, j'ai montré de la porn. OK, oui, bien sûr. En fait, je fais de la sémantique en commençant, puis c'est beaucoup... Vas-y, Bruno, présente-le. Ben oui, en fait, c'est qu'on a, on est en présence d'un scénario de l'inventeur du Bruce Willis, en fait, Steven E. de Sousa, scénariste de Die Hard, Die Hard 2 et Judge Dredd. Hudson Hawk aussi. Et Toy Story. Toy Story. non, je ne sais pas. Oui, donc, c'est beaucoup grâce à lui que le Bruce Willis existe. Et en commençant, la sémantique que je suis en train de vous former, tu sais, malléer des ondes de votre cerveau. Ben, on va parler de Bruce Willisme. C'est quoi le Bruce Willisme? C'est une citation au relent humoristico-viril se déroulant dans un contexte de combat ou durant un moment crucial pour l'intégrité physique ou morale du sujet. Ben ça se nomme du Bruce Willisme. Le nom de Bruce Willisme provient de l'acteur américain Bruce Willis. Non! Qui parvint à détruire dans le même film deux hélicoptères et un F-14 avec armé seulement de pick-up. C'est pas n'importe qui. Et en deuxième, on parle de sémantique, on parle des droonies, parce que ça revient souvent, les droonies, et il y en a beaucoup, beaucoup dans le film de ce soir. Les droonies sont des soldats entraînés selon trois règles très sévères et indispensables. Un, les droonies n'ont qu'un seul HP, hit point, énergie. T'sais. Les meilleurs droonies sont ceux qui arrondissent à l'entier supérieur. On se cogne l'orteil sur une patte de lit en se levant, on se fait piquer par un maringouin, on meurt. On comprendra que les droonies les plus puissants sont très rares. Tous les droonies sont d'une précision divine. Leur mission est de manquer le héros du moins possible. On imagine les graves conséquences de manquer son manquage de héros, rajoutant encore aux lourdes responsabilités incombant aux meilleurs droonies. 3. Les droonies doivent, et ce à tout moment, démontrer l'absence la plus totale d'opinion. Les droonies les plus puissants semblent parvenir à entrer une espèce de synchronicité, de syntonie métaphysique avec leur leader, leur permettant de toujours être au fait des émotions à éprouver. Par exemple, rire gras quand le méchant rit gras, avoir l'air menaçant quand le méchant se veut menaçant, avoir peur si ça arrive quand le méchant a peur. Encore une fois, on comprend comment le droonisme est une discipline très difficile. Il existe plusieurs castes de droonies, les plus célèbres étant les droonies ninja et les droonies mercenaires. Des droonies nazis, des droonies hommes-singes, des droonies lutteurs ont déjà été rapportés et documentés. Une variété infinie de castes peut théoriquement exister. D'ailleurs, les hypothèses farfelues allant des droonies clowns aux droonies pieuvres aux droonies vendeurs d'assurance, tout est possible avec les droonies. L'important, c'est bien sûr de respecter les trois règles d'avant. Et dans le film de ce soir de Mark Lester, il y en a en asti des droonies. Une nuée de droonies. Il y en a en asti. Là-dessus, Dieu, parle-moi le film à 4 minutes 10 pour qu'on ait des biceps pendant que je commence à parler de Commando. Un des meilleurs films des 30 dernières années. Ça, c'est le début, hein? J'ai eu la tourne en tête, c'est pour la journée. C'est le steel drum, hein? On va écouter donc ce classique pour la deuxième fois à douteux.org depuis qu'on fait des visionnements. Et ça va être avec grand plaisir. Je suis sûr que la salle va rester pleine jusqu'au bout, puis moi, je vais être dedans à fond. Mélange racé de Bruce Willisme, d'assassinat gratuit, de droonies et de conversations entre dur de dur. Commando est le plus intéressant des films de Arnold que je tape à moins 8,5, soit 0,5 plus loin que le plus 8 de Arnold, qui est Conan le Barbare, selon moi, là. J'ai longtemps trouvé que c'était pas un film douteux, dans le sens que c'était un film d'action que ma mémoire faisait vivre, un film qui réussissait à être rock'n'roll, basé sur le sauvetage d'une jeune fille courageuse, et bla bla bla bla bla. Puis Bruno, qui est à ma droite ici ce soir, est venu se placer entre ma nostalgie et la réalité. Oui, la nostalgie qui s'avère très souvent un sentiment préférable de ne pas tester si on veut la garder pristine et utile. Mais Bruno le savait, il m'a dit simplement « Nah ». Plusieurs fois. Et j'ai réécouté Commando, et ça a joué quelques jours après à douteux.org. Au fil des discussions avec d'autres gars nostalgiques, j'ai compris pourquoi Commando avait cette place spéciale en nous, cette place injustifiable qui porte tout le monde à glorifier sans vraie raison un film de v'là 30 ans, mettant en scène plus de un mort par minute. En moyenne, bien sûr. Ah oui. James Horner, voilà la réponse. James Horner a travaillé sur plus de 150 films d'Hollywood depuis The Watcher en 1979. Depuis, il a laissé sa marque dans des films tels que Avatar, Titanic, Braveheart, Cocoon, Aliens, On a Shrunk the Kid, Rocketeer, Five-0 Far West, Jumanji, Deep Impact, Apocalypto et... Casper. À Casper, voilà, le tout c'est d'arrivé à 150, le chiffre que j'ai dit avant. Donc, James Horner, pour que vous le sachiez, c'est un compositeur de musique de film qui, attention, n'est pas Danny Elfman ni John Williams. James Horner est un compositeur de musique de film qui aura réussi dans Commando de 1985 de Mark Lester à créer la trame sonore de films d'action générique la plus intense et prenante que des steel drums pouvaient permettre de faire exister. En somme, c'est à cause de la trame sonore qu'on a tous l'impression que Commando, c'est un excellent film d'action, alors qu'en fait, c'est l'ex-meilleur des meilleurs de l'unité spéciale américaine qui se retrouve forcé à une dernière mission par un méchant qui a eu la mauvaise idée de kidnapper sa fille, soit exactement ce que l'on consomme ici, mais avec plus de cadavres de droonies mercenaires, du Bruce Willis, avant Bruce Willis, et une dose de nostalgie mal placée qui va changer de bord pour à peu près tout le monde dans 90 minutes de visionnement. C'est un chef-d'œuvre excellent, ce film. Il n'y a rien à redire là-dessus. C'est quoi t'en penses, toi, Bruno? Moi, je suis d'accord avec ça. On va revenir avec encore d'autres affaires sur Commando au fil de l'émission. Attendant, on a eu le bloc de Laurentide. Plus ça va, plus il y en a. Les gens qui découvrent les plaisirs de la campagne... C'est comme la bière Laurentide, plus ça va, plus il y en a. Laurentide est faite pour toi, est faite pour toi. C'était la première, après ça, ça a passé à l'autre, là, tu sais. Tu l'as trouvé ta bière! Puis avec le monde qui court de même, puis avec le gars qui fait un hot dog, que au départ, je le prenais pour acquis, mais. Non, il me hante, le gars qui prend le hot dog, je ne sais pas à quoi qu'il sort. Là-dessus, on s'en va écouter un bloc, il est pour vous autres. Non, t'as toi, madame, là. Je parle pas à toi, madame. Je parle à monsieur. Oui. Le prochain bloc, là, c'est le bloc de Molson, salut les vrais. Les cinq d'affilée, calice. Si avec ça, t'as pas du poil qui défrise tes chenolles, là, c'est parce que t'es une madame. C'est ça. Please, dit Dieu, amène-moi au monde de salut les vrais. Tu fais ta part pour le pays. C'est comme ça que tu vis. T'es ceux qui bûchent, ceux qui bâtissent. Toujours de service, on se te salue. T'aimes pas une bière faite à moitié, c'est ce que t'as toujours voulu. On se salue les frères. Le temps est arrivé de partir, de t'en aller. Brise la glace, tu sais qu'il faut que tu fasses, mais ici t'auras toujours ta place. Bon sang, te salue. T'aimes pas les choses faites à moitié. Quelques guerres, c'est ça qui plaît. Bon sang, salue les frères. Tu fais ta part pour le pays, c'est comme ça que tu vis. Ceux qui bâtissent et toujours de service. T'aimes pas les choses faites à moitié. C'est ce que t'as toujours voulu. Bon sang, salut les frères. On voit ce qui nous sent aux yeux, mais on ne voit jamais ceux qui font du travail. Silencieux, ceux qui font de l'arrière-scène, qui nous créent des illusions, sans qu'on y fasse attention. Rien à moitié, on aime ce qu'on fait, rien à moitié, c'est pas bien. d'action. Tu fais pas attention, qu'ils soient tes amis ou non. Fais pas les choses, fais ta moitié. Et après le match, tu t'es oublié. Salut, bon, salut les frères. Sur ces mêmes trottoirs, cet univers a bouclé. La voiture passe lentement, quelqu'un flaire une proie. Julia lui donne un peu de bon temps et retourne dans le foie. Caroline ne sort pas ce soir, elle frissonne dans son lit. Il n'y a pas assez dans le tiroir pour sa poudre et son paradis. Elle attend le corps en aura, Julia, sa meilleure amie, qui s'agite dans l'âme sauvage, quelque part à côté de la vie. Dors, Caroline, il neige à Brooklyn. Les enfants perdus ont envahi les rues d'une ville orpheline dans Caroline. Dans la rue, ils font du métier, du sang-froid et de l'arrogance. Quand on abandonne le quartier, on voyage en ambulance. Julia remet sa chemise et prend l'argent qu'on lui doit. Et passant tout près d'une église, elle se signe de la croix. Dors, Caroline, il neige à Brooklyn. Et les enfants perdus ont envahi les rues d'une ville orpheline. Tu veux dormir, Caroline? Caroline se fait détresse comme lorsqu'elle était enfant. Elle se souvient de sa jeunesse, elle n'a pas encore 20 ans. Pas de pitié, pas de rage, pas de rêve inassouvi. Pas de cela dans la zone sauvage, quelque part à côté de la vie. Dors, Caroline, il neige à Brooklyn, et les enfants perdus ont envahi les rues. Une vie d'Andeline, tu peux dormir, Caroline. Je sais pas, mais il attend après. À quoi, 14, 15? Oh shit! C'est-tu une prostituée, Caroline? Je pense que c'est ça. Ah, c'est ça. C'est comme une robe rouge là, de c'est, Red Light. C'est ouais, Jodie ouais, Foster ouais. Dans Taxi Driver, dans Driver ouais. Caroline. Ça se peut, ouais. C'est exactement elle. C'est ça. Non! Ah! Mais là, t'as pas de chat, là. C'est une chronique de... pas de chat. Au Canada. Non, y a pas de chat aujourd'hui. On prend un break de chat. Yeah! Yeah! Yeah! Y'en aura plus jamais parce qu'on les a tous finis. Non, il va en avoir d'autres. Je travaille sur d'autres produits. Satisfaction! Non, hier, je sais pas si vous avez remarqué, c'était la fête du Canada. Oui. Oui. 1er juillet, moi je le remarque tout le temps parce que c'est jour férié. Fait que je me suis dit que j'allais faire une chronique à l'image du Canada, ce qui veut dire une chronique longue et plate. Vraiment longue et vraiment plate. Mais avant ça, je pense qu'on se doit d'honorer notre pays. On va donc chanter, si tu veux, Dieu, l'hymne national canadien au Canada. Veuillez vous lever dans la salle. L'hymne national du Canada. Oh, ça va trop vite. Canada, terre de nos aïeux, ton nom est saint, de l'amour glorieux, car ton roi s'est monté. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que le Canada? Ah, je vais aller me chercher une canette. Ouais, bah, vas-y. Tu m'en amèneras une. Comme vous savez tous, le Canada existe depuis la Confédération, en 1867. Oh, mais attendez un peu. Je pense que je vais m'en aller, moi aussi. On revient tantôt. On vous laisse avec Andy. Bon, en fait, je suis seul. Tommy, asti que je l'ai eu, tabarnak. Sauvez-moi, crissez-moi dehors. Pourquoi? Je suis plus capable. Donc, le Canada. Avant la Confédération, le Canada faisait partie de la loi de l'Union qui a commencé en 1840. Évidemment, on avait le Haut-Canada qui était l'Ontario, qui était évidemment géographiquement posé vers le bas, mais c'était le Haut-Canada. Et on avait le Bas-Canada qui était le Québec. Donc, avec la loi de l'Union, donc le Union Act, l'ancien Haut-Canada est devenu le Canada Ouest, et le Bas-Canada, le Canada Est, le Canada East. Le pays changea donc le nom pour devenir le Canada uni, le United Canada, ou la province Canada, Province of Canada. Les trois points, assez, dans le fond, les pertes pour le Québec à travers cette union, donc la loi de l'union. Le premier, c'est assez évident. Les francophones, on passait d'une majorité de 76% à celle de 58%. Ça voulait dire qu'on allait davantage se réduire. car la seule immigration autorisée était décidée par la Grande-Bretagne, donc on avait de plus en plus d'Anglais au lieu d'avoir des Français. Deuxième inconvénient, avec une population de 650 000 habitants, le Canada-Est comptait 42 députés à l'Assemblée législative, soit le même nombre que pour le Canada-Ouest, qui en avait que 450 000. Donc, on avait beaucoup plus de francophones avec le même nombre de représentants. Canada. Donc, dans le fond, c'était de forcer une égalité parlementaire artificielle en attendant que le jeu d'immigration, donc que la Grande-Bretagne, nous envoie assez d'Anglais pour nous planter. Troisième inconvénient. Canada. Je vois que vous respectez énormément le Québec, j'adore. Troisième inconvénient, la ville de Québec n'était plus une capitale nationale. Maintenant, la capitale était mobile, donc elle se déplaçait. Kingston de 1841 à 44, Montréal de 1844 à 49, Toronto de 49 à 53, Québec de 53 à 57. Donc, à tous les 4 ans, puis là, vous voyez comment c'était efficace, à tous les 4 ans... Il traduit... À tous les 4 ans, on déménageait donc les hauts fonctionnaires, les députés, leurs familles, les archives et la bibliothèque. Canada. Une autre perte, et celle-là, je la trouve vraiment très intéressante. Toutes les dettes du Haut-Canada et du Bas-Canada étaient réunies. Or, le Bas-Canada, je tiens à vous rappeler, c'est le Québec, le Bas-Canada n'avait pas de dettes. Mais le Haut-Canada avait dû contracter d'énormes emprunts pour creuser des canaux et construire des routes. Donc, on s'est ramassé avec la dette du Haut-Canada. Canada. Ah oui, dernière perte en passant. La langue anglaise dans l'article 41 de la loi de l'Union, dans The Union Act, était la seule langue officielle du pays. Donc, en 1849, on ne parlait qu'anglais dans le nouveau pays. Canada. En 1837-1838, avec tout ce qui s'est passé. Voyons encore les... Ah oui! Ok, moi j'arrête. Non, continue. C'est le Canada. Bruno, il est énervé parce qu'il y a du plaisir. Parce qu'il t'écoute. C'est l'histoire du Canada. The history of Canada. Okay. Donc, le Bas-Canada continuait donc d'utiliser le français, même si la langue officielle était l'anglais. Le Haut-Canada n'utilisait que l'anglais, mais devait composer avec le français employé par les députés francophones au Parlement du Canada uni. Au cours de la session de 1849, celui-ci adopta 190 projets de loi, c'est comme l'omnibus, dont celui portant sur l'indemnité qui souleva les passions populaires. En 1841, le gouvernement avait indemnisé les citoyens du Haut-Canada, les Anglais, pour les pertes subies lors des soulèvements de 1837-1838. Pour vous donner une petite idée, là, c'est comme si les 4 mois de manifestations étudiantes qu'on a auraient causé des torts irréparables aux Anglais de l'Ouest, de Montréal-Ouest, puis qu'on les dédommagerait. Ça serait le fun. Ça serait très le fun. Canada. Or, Louis-Hippolyte Lafontaine, notre grand Lafontaine, le parc qu'on est direct à côté, avait simplement désiré que les citoyens du Bas-Canada puissent bénéficier des mêmes avantages, dans le sens de « Hey, nous autres aussi, on en a subi des pertes. » Or, la réaction des anglophones fut déchaînée. Canada. Donc, le Montreal Gazette, vous la connaissez, je pense, a fait appel à l'émeute, a demandé aux Anglais de faire une émeute. Il y a eu des manifestations, des discours virulents et des actes de vandalisme. Puis finalement, les émeutiers ont mis le feu à l'aide de torches à l'édifice du Parlement. L'édifice du Parlement français, le French Parliament, le soir du 25 avril 1849 à Montréal. Donc, autrement dit, les Anglais ont brûlé notre Parlement. Avec des torches. Avec des torches. Ce que ça a donné, ça c'était dans le temps où est-ce que Montréal était la capitale à ce moment-là. Donc, l'incendie a consumé les deux bibliothèques parlementaires, une partie des archives et des documents publics du Haut-Canada et du Canada uni. Donc, plus de 23 000 volumes appartenant aux collections des deux bibliothèques sont partis en fumée et à peine 200 livres ont pu être sauvés des flammes. L'armée britannique, alors 10 000 soldats en garnison, sympathique des Anglais, avait été prévenu la veille de fermer les yeux sur des événements annoncés comme imprévus. De toute façon, il était impensable pour Lord Elgin d'envoyer les forces de l'ordre contre des Britanniques. Canada. Les émeutiers se promenèrent dans les rues avec des têtes de cochon au bout de leurs baïonnettes. une mitre d'évêque dessus en scandant cochon de catholique, parce que les Français étaient particulièrement catholiques, les Anglais protestants. Pour les anglophones, le nouveau pays de 1867, la Confédération, marquait la fin de la domination française au Canada, enfin, et le début d'une nouvelle nationalité britannique. Pour les francophones, c'était le début de leur minorisation définitive. Officiellement, le Canada de 1867 avait choisi l'appellation de Dominion du Canada, en parlant de l'Union fédérale. Ça s'appelle pas une confédération. Ça s'est jamais appelé une confédération. Ça s'appelle le Dominion. Fait que ce qu'on a fêté, c'était la fête du Dominion. Même en fait, le Canada, quand ça s'est fait, là, ils voulaient pas faire peur aux gens pour que ça passe. Fait qu'ils ont appelé ça une confédération, que ça soit différent de ce qui se passait aux États-Unis, vu qu'il y avait la guerre civile. Mais dans le fond, c'est une fédération. C'est vrai. C'est en 1871, donc 4 ans après, de la Colombie-Britannique à la Confédération, que la devise d'un océan à l'autre put véritablement s'appliquer au niveau Dominion du Canada, qui s'étendait maintenant de l'Atlantique au Pacifique. Et le mot Dominion a fini par tomber par désuétude. Donc, c'est à partir de 1931, 50 ans après, fait qu'on appelait ça le Dominion. Puis d'ailleurs, nos ancêtres français, ils appelaient ça encore le Dominion. Là. Il y en a ça, ils l'appelaient le Dominion. C'est bientôt fini. Non. Après le statut de Westminster, le statut de Westminster, en passant, c'est l'Angleterre en 1931 qui a dit finalement, ah oh, ben, Canada, c'est correct, t'es souverain. Au cours de l'histoire, le terme de confédération s'est progressivement implanté pour désigner le pays. Toutefois, et c'est là que j'en parlais précédemment, ce dernier terme n'a aucune valeur officielle ni juridique, puisqu'on ne le trouve même pas dans la Constitution canadienne de 1867. Donc, le Dominion du Canada, le Dominion, fait que dans 5 ans, là, on va fêter le Dominion, pas la Confédération, fut formé le 1er juillet de 67 avec la Confédération de 4 provinces. Qu'est-ce que ça a changé pour nous, Québécois? Le Kung Fu? Non, ça a implanté une minorisation permanente. Donc, au lieu de d'évoquer la paix et l'harmonie, ce que ça a fait, c'est que ça a surtout... OK, je pense que c'est fini. Donc, on va passer à un autre moment donné. Ben, okay, ça fait quand même 10 minutes que tu parles du Canada. Là. Quand même, mais c'est le but. Le Canada, c'est plate, il me reste encore 20 autres pages à propos du Québec, si vous voulez en savoir plus. Ah, ça faisait partie de ton blé qu'à un moment donné, on te pousse à arrêter. Ouais, je pense. Bon, ben, OK. Hey, là-dessus, Dieu, on va commencer à aller voir toutes sortes de clips. Merci beaucoup, Andy. Quelle incroyable force de la nature, le Canada. Là, on a besoin de quelque chose pour nous briser. Là, on a besoin d'un retour à nos essences. On va aller voir un clip de Horny Bitches avant. Après ça, on va voir des clips de bière. Puis on va parler du Canada en revenant. J'ai moins dans le bac, n'importe quand. N'importe quand? Ben, écoute, après ta soirée, je suis dans le bac, je suis à l'hôtel. Elle s'appelle Scott Lovers, c'est notre tour d'amour, bravo, du caca. I'm gonna go to the hospital. Asti que c'est vrai, il n'y a rien qu'une bod, rien qu'une. Avez-vous il n'y a rien qu'une bod? On va la réécouter tantôt, c'est sûr. Je pensais qu'on avait acheté un six-pack tantôt. Non, non, taquin. Tu sais, au début, il est assis, là, il se fait donner une bière, puis ça prend 30 secondes, puis il y a des astronautes qui lancent des espèces de papillotes sur des gars déguisés en cow-boy qui jouent au volleyball. Là, ça... En tout cas, hein, là-dessus, on parle viril. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Commando de Mark Lester mettant vedette Arnold, c'est qu'il y a beaucoup de séquences où la force brute sort le héros de la marde, dans le sens que s'il était pas musclé à ce moment-là de l'histoire de la vie, ben c'était fini. T'sais. Et puis des belles séquences. Et là-dessus, on va. En fait, j'ai comme découpé à 14 minutes, vous allez voir, c'est la première. Ben, moi, c'est pas indispensable qu'il ait été fort là, comme un petit peu plus tard, mais il reste quand même qu'il pousse le pick-up. Là, ouais, t'sais. Ouais, ben, il y a de l'air d'avoir de la misère même. C'est la fois qu'il y a de l'air le plus de forcer. Ouais. Bon, ouais. Fait qu'on s'imagine que le pick-up était dans une côte. Ben, c'est là. Ah, il va se rendre compte que là, son pick-up il est scrap. Ah, c'est mon pick-up. Je pense qu'ils ont laissé le hood un peu ouvert pour lui montrer que le pick-up était scrap. Fait que là, pas de problème. On va mettre le pick-up sur le nerd, puis on va le pousser dans la côte. À la Arnold, ça. Là, tu vois, c'est ça, là, il force. Là, ça en fait de l'énergie cinétique. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi un petit peu... Ça, c'est son pumping, là, genre, comme c'est la première fois qu'il force depuis vraiment longtemps. Ouais, pour ouais, vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, c'est plus difficile. C'est ça. Bon, ouais, il servit. Et donc, voilà, il réussit à pousser le pick-up, et avec ça, il va pouvoir poursuivre l'aventure. Si tu veux, Dieu amène ça à 23 minutes 40. À 23 minutes 40, cette fois-ci, c'est le mur de toile. Moi, je comprends pas comment il fait pour passer ses doigts au travers de ça aussi facilement. Puis moi, en fait, moi, je l'ai regardé aujourd'hui, puis j'ai regardé cette séquence-là. Ah, d'accord. C'est là. OK, c'est bon, excusez. Ben, regarde, c'est ça, c'est parce que c'est surtout qu'il y a un zipper. Ouais. Fait qu'on se demande pourquoi il insiste pour briser du matériel. À place de servir de la porte. À place de juste se servir de la porte. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tout le monde sait que utiliser la porte, c'est pour les fifs. C'est pour les... Et ensuite, un bout que j'aime beaucoup, c'est à 35 minutes 50, mon cher Dieu. Ouais, on peut le revoir un autre. À 35 minutes 50, vous allez voir, il y a une balloune qui est assez résistante pour le soutenir. Ouais. Puis lui... Mais il est capable de la déchirer, ouais. Ah, ou c'est le bout. Ouais, non, ça c'est pas la balloune, non, ça c'est la cabine téléphonique. Ouais, je trouvais que t'avais manqué la cabine téléphonique. Bon, non, laisse-la là. La cabine, check ça. Ouais. Là, il apprend puis il attend. Ouais. Ah, c'est bon. Fait que lui, il n'a plus besoin. Fait que là, ah, voilà. Puis l'autre, il y avait un fusil, puis il tirait dedans. Ouais. C'est comme la fin de One Two Over the Cuckoo's Nest. Laisse ça là un petit peu, Dieu, tu vas voir, il va avoir la shot, la balloune. Moi, ce que je trouve drôle dans cette scène-là aussi, qui est assez particulier, c'est que John Matrix, il a donné des coups de poing à plusieurs gardiens de centre d'achat. Il y a vraiment beaucoup de gardiens dans ce centre d'achat-là. Là. Oui. Il a donné des coups de poing à plusieurs gardiens de centre d'achat, mais l'autre bonhomme, lui, il en a tué un. Ouais. Mais c'est quand même après John Matrix. Ils sont tous après John Matrix. Puis à un moment donné, ils font... L'autre, il a tiré. Il a tué un gars, c'est ça. Et là, voilà, il est dans l'ascenseur. Et c'est là que John Matrix... Réflexe utile, a besoin de matériel. Il est là! C'est clac. Ouais, il va falloir qu'il se dé. Ça se mérite. Ouais. C'est pas une ride de ballon qui veut, ça. Non. Ah ouais. Alors, il prend la ballon, il est capable de l'arracher et après ça, de tout son poids. Voilà. La ballon est assez résistante pour le tenir. Après ça, c'est à 49 minutes 10, ça en est un autre que j'aime beaucoup. c'est encore une fois John Matrix qui nous montre que faire des push-ups, c'est bien mieux que travailler de l'esprit. Vous allez voir, il y a un cadenas, pas longtemps. comme pour protéger l'endroit. Ouais, oui, c'est ça. C'est ici, entreprise Patria. C'est ici? Ah, puis ça c'est... Fuck, man. Je crois que c'est là, coup de paquet d'allumettes en plus. Ouais, il y avait... Et voilà, il y a pas besoin. Ouais, c'est bon. Puis tu sais, il y avait un char qui appartenait pas, qui aurait pu se servir aussi pour défoncer la porte. Mais non, il savait qu'il n'aurait pas de besoin. Il voulait que ça soit subtil. Puis là, j'aime bien aussi la tôle en haut. Je comprends que ce soit moins solide la tôle. Peut-être que moi ou toi ou Mr. T, on aurait été capable de faire ce qu'il va faire là, mais pareil, ce qu'il fait là. Il n'y en a pas besoin, il apprend, il attache. Utiliser les portes, voilà. C'est pour les fibres. Après ça, on s'en va à une heure pile. C'est la plus importante de toutes les utilisations épaisses de sa puissance musculaire. S'il n'est pas capable de convaincre l'avion de décoller, il y a des gars avec des mitraillettes qui viennent tuer tout le monde. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas un avion, ça! C'est un canoë avec des ailes! Eh bien, montez! Commencez à pagayer! Oh! Il est parti! Mettez le moteur en route, vite! D'accord! Oh mon Dieu, cet appareil doit être aussi vieux que moi! Et d'ailleurs, important de noter que dans cette scène-là, c'est la première fois qu'Arnold manque autant les gars sur lesquels il tire. En fait, c'est probablement la seule fois. Ouais, c'est la seule fois. Ouais, mais ils sont loin, puis il y a juste une arme de poing, tu sais. Tu vas démarrer, saloperie. Tu démarres ou je te couille. Et voilà! Ça marche plus. Il a menacé l'avion. Et l'avion. Tout sublime. On s'en va vers la dernière séquence. C'est une séquence immortelle. T'emportes d'ailleurs le t-shirt. Ouais. Ça passe sous le silence un petit peu. Ça est à 1h24 minutes exactement. Ouais, parce que là, on vient de voir, tu sais, s'il tapait pas dans l'avion, elle partait pas. Ouais, s'il menaçait pas l'avion de la bousiller. S'il la démarrait pas. Elle partirait pas. C'est ça. Puis là, un coup qu'elle est partie, on peut aller sauver sa fille. Voilà. Et puis à 1h24 minutes, pas loin du 90 minutes mandatoire, un moment classique qui existe du fait que la vie, c'est. Il y a besoin d'un bout de mobilier, tu comprendras. Il n'y a plus d'armes, là. Il... Fait qu'il prend le bout. Il prend le bout de tuyau. Et voilà. Aïe. Crache ta vapeur. Crache ta vapeur, sale pourriture. Si ça, c'est pas un classique. Si ça, c'est pas tout beau. Papa? Ah oui, tu peux nous revenir à nous autres, mon cher. Crache ta vapeur, sale pourriture. Fait que tu vois, il y avait besoin du bout de main. Tu nous as écrit un petit bout de texte. Oui, j'ai écrit un petit quelque chose sur Commando aujourd'hui. J'ai fait, c'est un espèce de, ce serait comme le résumé là de Mediafilm là si je travaillais pour Mediafilm. Bon ben voilà. Non mais alors on y va. Commando, version française de Commando. Ah, que la vie était paisible pour John Matrix et son unité d'assassins à la solde du gouvernement américain. Après avoir renversé la dictature du pays fictif au nom tintinesque de Valverde et installé un autre dictateur, celui-ci à la solde des États-Unis, donc bon, John Matrix et ses compagnons d'armes profitaient d'une retraite bien méritée. Mais tout cela ne pouvait durer parce qu'il fallait faire un film. Arius, le premier boss de la fin et ancien dictateur du Valverde, veut reprendre le pouvoir. Pour ce faire, il kidnappe la fille de John Matrix afin de le forcer à assassiner le président qui l'a aidé à mettre en place. Plan de génie, si ce n'est que le méchant en question dispose d'une armée de plusieurs centaines d'hommes qui pourrait lui permettre de faire un coup d'État beaucoup plus efficace qu'un simple assassinat politique, mais je m'égare. D'ailleurs, je m'imaginais le film si jamais le gars, il servait juste de son armée, puis là, tu vois juste comme John Matrix en train de prendre son café, il check son journal, fait comme le président du Valverde renversé, puis pff, ça finit de même, genre. C'est ça! Ah non, ils ont tué mon chum! Alors, anyway, John Matrix, flanqué d'un personnage féminin ramassé sur le top de la pile aux interventions des plus stridentes, va passer au travers de cette armée comme si c'était un couteau dans une gorge d'enfant. Car oui, Commando version française de Commando est un film comptant des centaines de cadavres presque tous fabriqués par Arnold Schwarzenegger dans la peau de John Matrix, meilleur des meilleurs de la guerre froide de l'ère Carter-Reagan. Pour partir le bal et nous donner une bonne idée de ce qui nous attend, on nous offre une séquence pré-générique dans laquelle des mercenaires assassinent trois autres membres de l'unité du dit John Matrix en plein jour en usant de méthodes toujours très élaborées mais variables en efficacité potentielle. Comment est-ce qu'ils savaient que le gars allait oublier de sortir ses vidanges? Comment est-ce qu'ils savaient qu'il serait assez motivé pour aller ramasser toutes ses vidanges le matin puis qu'il irait les sortir pour pas se faire manquer, qu'il se ferait réveiller par le bruit du camion de vidange seulement? Comment tu fais pour louer un truck à vidange? Mais moi, je me demande exactement, est-ce que les mercenaires se sont pognés une job de vidangeur en espérant que toutes ces circonstances-là arrivent éventuellement puis qu'ils puissent enfin tuer le gars, tu sais? Toutes ces questions resteront sans réponse. C'est un film fabuleux. Moi, j'aime beaucoup aussi la scène où est-ce que le boss de John Matrix, l'ancien boss de John Matrix de l'armée, s'en va voir John Matrix pour l'avertir que ses chums se sont fait tuer, tu sais. Fait que là, il est en danger. Là, il est en danger. Fait que là, il dit, mais inquiète-toi pas, je vais te laisser chair à canon puis tir de pratique. puis ils sont là pour te protéger. Il y en a un des deux qui parle même. Il y en a un des deux qui parle même. Ils s'en vont en arrière de la maison pour guetter puis on leur voit une barre dans le buisson. Et puis là, le boss de John Matrix, l'ancien boss de John Matrix, part en hélicoptère et j'ai compté, ça prend 30 secondes avant que les méchants sortent des buissons et se mettent à tirer dessus. Fait que ils ont pas attendu là, ils ont suivi l'hélicoptère puis ils étaient là en char. Oh, oui, ils ont suivi. Hey, alors voilà, c'est ça. Mais c'est, merci beaucoup Bruno, très beau résumé, j'aime ça. C'est vrai que les plans étaient même de bumper en char puis ouais, c'est ça. Il y a rien qui prend, il y a rien qui marche. On s'en va écouter un bloc de publicité de bière parce que je suis dans un trip de tout ça ces temps-ci. Et après ça, il va y avoir le montage que j'ai fait. La vie est tellement si fragile, j'aime ça leur sortir quand on parle de Commando. Le bloc de bière ici, il va composer trois publicités. Il va avoir la Golden, qui est un classique immortel à mon sens. Il va avoir une histoire tirée du grand livre du possible de Molson, la bière. Vous allez voir dans le temps, les publicités avaient un début, un milieu et une fin. Il va avoir le gars qui était dans les ordres et qui faisait Charles dans Chambre-en-Ville. Il va avoir ma nouvelle préférée du moment. Ça va être au kiff. Ben voyons donc. La toune est excellente. Dieu, c'est la Dance Mix 94 en background. Grosse année pour le monde de la musique, ça. Pire. La bonne humeur est populaire, du caractère au sens sa bière. Une police. Oh, qu'une belle. Sois tellement jeune pour tes amis. C'est une balle, c'est une vraie qui choisit. De loup d'en prendre une, prends un homme frais. La gestuelle du gars, la gestuelle. Écoute-toi, tu danses pas comme ça. Vas-y pour une golden, golden, golden, golden. C'en est une qui descend bien, c'en est une qui se remarque bien, c'en est une et pas une autre. Golden. La nouvelle cause d'une bière remarquable. Ça charme. Un gros blast de golden. Et celle-là est excellente. Hey, bonjour Marie, qu'est-ce qu'on peut te servir? Donne-moi une bière. Ah, merci. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Qu'est-ce que tu demandes, John? Ben voyons donc. Ben voyons donc. Donne-moi une autre. À la fin, ben voyons donc. Check bien. Ben voyons donc. Quand on prend une bière, celle qu'on préfère. Celle que je préfère, c'est la Oki. Oki, c'est celle qui se prend en douceur. Ben voyons donc. Peux-tu me remettre juste la fin, s'il te plaît? Juste la fin. Juste quand on voit la face. Qu'est-ce qui sert, lui, Calis? Qu'est-ce que c'est, tu sais? Voyons! Il sert à dire le slogan. Oui. Ouais. Ouais, à nous le rappeler, à nous le briller dans la tête. Voyons donc. Voyons donc. Voyons donc. Et la tune de celle-là, je vais la repasser la semaine prochaine, c'est sûr. Mais en plus, le péché du barman, c'est qu'il demande, le gars, il dit, je vais te prendre une bière. Puis là, il dit, laquelle? Puis là, il dit, mais voyons, calice. Tous les barmen, si tu veux m'essayer une bonne, mettons que t'as vu l'annonce de la Golden. Ben voyons donc. Merci Dieu, on peut écouter la vie est tellement si fragile. On va revient à 70% sur les ondes de Futur.tv. La télé des délaissés. Ben voyons donc. Ok, je vais te plaire. Attendez une minute. Hey, arrêtez s'il vous plaît. J'ai eu peur que vous me ratiez. T'inquiète pas, on va pas te rater. On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. Une lame dans une gorge d'enfant, ça s'enfonce comme dans du beurre. J'adore entendre vos petits connards de soldats essayer de jouer les durs. Ils me font bien rire. Si Matrix était là, il rirait lui aussi. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va et la vie est si fragile. Tu te souviens, Sully? Je t'ai promis que je te tuerais le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Sitôt on se pense Dieu. Sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. Tant est là, toujours là, seule justice ici-bas. Crache ta vapeur, sa pourriture. On est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile. Dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie, car la vie. Je décide quelque chose pour nous. Rien que des morts. J'ai très envie de reformer ton unité, John. Il suffirait que tu reviennes. Cette fois, c'était la dernière. Bennett, fais pas le con, relâche tout de suite la gosse. C'est moi que tu veux. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que il dit j'ai très envie de reformer ton unité, John. Il suffirait que tu reviennes. Dans le fond, comme c'est juste lui son unité parce que toutes les autres sont mortes. D'accord. Alors, la requête de suspension de procès d'un avocat de la Floride représentant un homme accusé pour complot pour meurtre a été refusée par la juge vendredi dernier. Frank Lauderbach de Saint-Pétersbourg avait un engagement préalable qu'il ne pouvait annuler. Il devait participer à la compétition annuelle, de sosie de Ernest Hemingway. L'avocat qui croyait que le procès qui a débuté le 9 juillet serait terminé d'ici le 21, afin qu'il puisse se rendre à Key West pour le couronnement du gagnant, n'a pas eu de chance, malheureusement. Après 10 jours de procédure, le procès s'éternisait. L'homme se console en se disant qu'il aura un an de plus pour devenir un peu plus grisonnant et plus gras. Plus Ernest Hemingway. Exactement. C'est con. Allez, vas-y, t'en avais une dernière? J'en ai deux autres. Hey, good! Alors, un homme de Cincinnati fait face à des accusations criminelles après avoir appelé le 911 à répétition, oui, pour vrai, encore une fois, afin de se plaindre du service dans le restaurant Skyline Chili. La police affirme que Christian Lockett, 20 ans, a téléphoné à 10 reprises au numéro d'urgence alors qu'il était sous l'influence d'alcool. Non! Encore un asti champion. Hein? Mardi dernier, il a été accusé de conduite désordonnée avec faculté affaiblie. Je sais pas quoi. Ouais. Mais c'est le fun que tu trouves les photos de ces personnes. Comme ça, on va le reconnaître. Si jamais. Ouais, si jamais on le croise dans la rue, on va savoir c'est qui. Moi, il ressemble à quelqu'un que je connais, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ben, il ressemble à 9 personnes que tu connais. Arrête là. Le doigt dessus. Je connais pas du monde si ordinaire que ça. Ben, vas-y. La dernière. D'accord, alors une jeune femme de la République tchèque a été secourue par la police après avoir fumé assez de cannabis pour confondre une ligne à haute tension avec un pont suspendu. Jan Makalikova, porte-parole pour la police, affirme que l'opération fut un cauchemar car elle était extrêmement droguée et ne faisait aucun sens. Elle était convaincue que les lignes étaient un pont traversant la rivière Morava. Elle a été traitée pour la consommation de drogue et, surprenamment, elle n'avait aucune autre blessure. On a une photo aussi des policiers qui tentent de la secourir. Là. C'est pas pire. Elle peut rester là. She's holding on! Non! Ben voyons donc, esti. Là, tu dis qu'elle a pris du pot. Ouais, ben très fort, là, j'imagine. Ben, spiké avec quelque chose. Oh mon gars! Ah, merde! Ok, donc là, il y a... Chris de folle, non? Ça, c'est ta plus belle de la journée. C'est sûr et certain. Ça, je l'ai gardé pour la belle photo. Elle veut rester là. Elle veut traverser la rivière. Hey, Aïe, mon gars, bravo. J'aimerais dire, c'est Francis qui me l'a envoyé, celle-là. Donc, okay, merci, Francis. Bon, ben, merci, Francis. Merci, Francis. Là-dessus, ben, merci, Bruno aussi. Encore une autre grosse semaine que l'univers nous a impressionné de plein de belles manières. Ouais. Veux-tu aller dans le long métrage à 1h03min20s, Dieu, s'il te plaît? C'est une de mes citations préférées avant de retourner parler. 1h03min20s. Je vais m'en rappeler jusqu'à ma mort, là-dessus. Content seconde, c'est la... Une lame dans une gorge d'enfant, ça s'enfonce comme dans du beurre. Et la base militaire... C'est celle-là, même. Ah, c'est bon, c'est bon. Une lame dans une gorge d'enfant, ça s'enfonce comme dans du beurre. Toi, tu me ranges ce couteau. Comment? Et tu fermes ta gueule. Comment, kid, faut que t'ailles tué dans ta vie pour discussion de code de porte? Ça parle de love story, ça niaise. Une lame dans une gorge d'enfant, ça s'enfonce comme dans puis du non beurre. Seulement c'est ça, mais c'est genre comme, tu sais... Toi, tu le gars, il arrive, puis il dit... Et tu fermes ta gueule. I've got a trivia for you! Voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Parmi les Bruce Willis, mais non, c'est pas vraiment Bruce Willis, ça, c'est plus comme de l'inutilité, de la vraie. Donc, je vais lire mon autre texte sur Commando, parce que c'est drôle et qu'on adore Commando. Belle feuille de route que celle du réalisateur du film de ce soir, Class of 1984, et toutes ses indispensables ramifications. L'excellent et récent Ptérodactyle dans lequel Coolio meurt à la fin en utilisant le traditionnel « Continuer sans moi », le second rôle blessé. Commando, version française de Commando. C'est l'histoire touchante d'un amour naissant, d'une quête déterzespériminée, d'un père pour délivrer la seule raison qui lui reste de vivre. Ex-meilleur des meilleurs de l'unité spéciale, sergent responsable de cette même unité spéciale entraîné à faire ça silencieusement et par derrière, doté d'un odorat hors du commun et d'un bronzage faisant dévier les balles, John Matrix devra créer une hécatombe transformant une île paradisiaque en lieu de souffrance hantée de dizaines d'âmes assassinées froidement. J'ai amené un gros carton, ce soir on va faire le total du gars que la vendetta de John Matrix sera transformée en cadavre. Ça s'est terminé en 87, si je me souviens bien. Ça c'est dans simplement le dernier voyage, quand il va tuer des gens sur l'île. Ce qui nous amène à plus de 1 par minute, en comptant Sonny qui tue pas en dernier parce qu'il lui a menti. Ouais, ouais. Blablabla. Donc, en passant, il n'y a personne qui s'appelle Matrix au Canada. J'ai refait la recherche tantôt. Aucun nom de famille, aucun prénom, personne s'appelle Matrix en date de juillet 2012 sur les pages jaunes du puissant d'Internet et dans Google ou ailleurs. Et également, les statistiques le prouvent et Arnold y aide à Hollywood, on a plus de chances de s'en sortir vivant à 1 contre 20 qu'à 20 contre 1. Exactement comme dans la vraie vie. Certains aujourd'hui, beaucoup plus poilus qu'à l'époque en 85, argotent que Commando serait un film bon, un actionneur super percutant, plein d'action, super percutante, monté de manière super cutante. Je répondrai non sans juger ces gens qu'il y a des figurines militaires vertes à côté des maquettes qui explosent, des vraies, comme dans le temps, des vraies petites. Peut-être que Dieu va tomber dessus avant la fin de mon texte. Et que dans la petite cabane, Arnold se met en bédaine pour rien, vraiment pour rien. Et que le sentier du meilleur des meilleurs anciens commandos d'élite au Vietnam qui se voit forcé à une dernière mission parce que c'est personnel, parce qu'une femelle qu'il aime se fait kidnapper, on l'a déjà suivi tout le monde et vous aussi. En fait, ce sentier métaphorique sera plus juste imaginé comme un grand autoroute de banlieue. On n'a pas encore parlé de dialogue réel 8e merveille du monde juste avant mon attitude de champion, moi c'est sûr. Sans retenue aucune, je prétends que Commando, version française de Commando, c'est du moins 8,5 solide incluant une séquence finale de 25 minutes parmi les seuls pouvant rivaliser avec l'introduction de Ninja 3, la domination. Il y a une chose, par contre, on en a parlé tantôt, c'est la trame sonore. Commando, une excellente trame sonore, originale, bien utilisée, un petit restant de qualité qui est sûrement une des causes du mythe, faisant durer Commando dans le palmarès positif de certains illuminés qui n'auront que leur orgueil comme défaite s'ils continuent à trouver ça réaliste et que c'est un bon film après 90 minutes. Alyssa Milano, encore pucelle, tous les personnages parlent au travers de leurs glands, Relâche tout de suite la gosse, je bouffe deux petits bérets verts au petit déjeuner. Arnold faisait du Bruce Willis avant même que Bruce Willis ne fasse du Bruce Willis. Et voilà, chouette de te voir buter votre sale gueule. Bennett, fais pas le con, c'est moi que tu veux. Je l'ai laissé tomber, mourir les biches, le coup de foudre inexplicable avec la femelle catapultée. Et plus fort que tout, oui, parce qu'elle fait exploser des camions à salade, des paniers à salade de policiers. Ouais. Et voilà, Commando, version française de Commando. C'est du génie, Calice. Et on va le réécouter à soir, ainsi que dans tous les chapitres. Et là, ben, il y a Bennett, qui était ainsi joué par Vernon Beltz, qui était aussi le méchant dans Robo Flick 2. Et qui, dans la version originale anglaise, a étrangement un genre d'accent british. Ah? Ouais. Ah? J'ai regardé en anglais aujourd'hui, parce que... Puis c'est surprenant. Va donc voir Vernon Wells pendant que... Fred, tu nous parles du chaman? Chaman! Ouais. Y a-t-il des développements? J'ai découpé quatre nouveaux chamans, donc dans chaman. Différents. Donc, on a fait le plein, des nouveaux, ça rentre. Ça, donc, chronique chaman! Chaman! Chaman! 100% garanti, ne croyez pas aux sorcières, mais ils existent, sont la vérité. Ok, il y a encore sont la vérité. Chaman! Sont S-O-N. Témoignage réel. À la suite de rituels chaman. Oh, ouais. Chaman! J'étais pas concentré. J'écoutais pas. Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de mon mari. À la première visite chez Chaman. Chaman! Il a pu enlever la magie noire que ma belle-mère a faite pour nous séparer. Mais maintenant, nous sommes libres de toute influence de mal et nous sommes reconnaissants pour le résultat. Chaman! Merci, Chaman. Témoignage réel. Ouais, il y a Sakik, Sundin, Bourré, puis Oates au temps de la renommée. Ben oui, c'est cool. À la suite de rituels chaman. Chaman! Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de mon mari. À la première visite chez Chaman. Chaman! Il a pu enlever la magie noire que ma belle-mère a faite pour nous séparer. Maintenant, nous sommes libres de toute influence de mal et nous sommes reconnaissants pour le résultat. Chaman! Chaman! C'est exactement la même. Non, mais Gajani veut jouer. Ah, ok! Témoignage réel! Chaman! À la suite des rituels chaman! Chaman! Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de mon mari. À la première visite chez Chaman! Chaman! Il a pu enlever la magie noire que ma belle-mère a faite pour nous séparer. Chaman! Maintenant, nous sommes libres de toute influence de mal et nous sommes reconnaissants pour le résultat. Chaman! Ah, mais là, cette fois-là, c'est... Endetté, repartez à neuf! Témoignage réel! Chaman! À la suite de rituels chaman! Chaman! Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de mon mari. Yes! Oh, Chaman! Ça veut-tu dire qu'on à la première visite chez Chaman! Chaman! Il a pu enlever la magie noire que ma belle-mère a faite pour nous séparer. Chaman! Maintenant, nous sommes libres de toute influence de mal. Et Chaman. Nous sommes reconnaissants pour le résultat. Résultat! Chaman! Et là, c'est 4 ans avant de... Ah, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. Il va y avoir Commando qui suit. Mais rien d'autre à dire. Ouais, merci Chaman. Merci Andy. Merci Bretch. Merci Dance Mix. Ouais, elle va chercher le chien. Ah, le chien. Ah, le chien, on n'a pas montré le chien. On a un chien, mais. 14. Merci les amis. Ouais, il y a un tremblement de terre dans le studio. Ah non, qu'allons-nous faire? C'est parce qu'on a un nouveau coloc temporaire. Là. Il est parti le chercher. Ça va pas être. Oh oui, tu l'as! Ça fait ta bière! Ça a coupé! Ah! C'est revenu!